Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'abat, DJ Melon pour vous servir, avec l'ami David à la technique. Bonsoir. Qui m'accompagne en l'absence regrettée de notre ami Grigoula Selecta, toujours noyé sous des tonnes de couches de layettes. Et tout ce qui s'ensuit, on le souhaite bon courage. On espère le retrouver bien vite. On démarre... Fatigué sûrement, mais on va le retrouver, je suis sûr. Mécontent, c'est sûr. C'est sûr. On démarre très vite et tout de suite avec Locust, à ne pas confondre avec les matcoreux, grindcoreux de Locust. Non, Locust, le projet, je crois bien que d'ailleurs c'est un flamand ou un anglais, je ne sais jamais, Mark Van Hoen. Locust avec son nouvel album, un extrait qu'on va s'écouter tout de suite, Just Want You, on en reparle juste après. Locust dans le secret du son d'abat. We'll be right back. diablement groovy ce Just Want You, extrait donc du nouvel album de Locust. Alors entre temps j'ai eu le temps de fouiller mes notes. C'est bien un londonien d'origine, le Mark Van Hoen. Alors pourquoi je le confondais, outre effectivement le patronyme à consonance bataille, très belge, Batav, voilà, hollandais, hollandais belge. Et bien c'est surtout que ça fait presque 20 ans qu'on entend parler de lui et que ses premiers disques étaient signés sur la sous-division, on va dire, ambiante expérimentale. Ça s'appelait un peu comme ça les dénominations à l'époque, du label belge, donc RES, c'était le label Apollo. Qui avait signé ses premières réalisations, dont un album que moi je me réécoute très régulièrement et qui, je trouve, n'a vraiment pas vieilli, qui est toujours aussi impressionnant et qui s'appelait Truth is Born of Arguments. Et je vous conseille vraiment de revenir vers ce disque qui tient largement la dragée haute au Taker et au Traffic Twin de l'époque. Alors revenons à l'actualité de Locust. Alors c'est le premier album depuis 12 ans sous ce nom-là. Bon, on avait quand même écouté sous son propre patronyme Mark Van Hoen un extrait de son album sur édition Mego qui s'appelait The Revenant Diary. Donc là, ça sort aussi sur édition Mego. C'est vrai que Locust est peut-être plus son projet, on va dire, électro-pop, doucereux, légèrement suranné, comme ça. Il y a des voix féminines un petit peu enjôleuses. Ça fait penser notamment à des collaborateurs à lui, les Anglais de Seafield. Ça fait penser aussi à John Beltran ou l'album ambiant de Joey Beltran. Voilà, on est dans quelque chose qui est un petit peu vieillot comme ça. Ça sonne pas comme le truc qui va tout révolutionner, loin s'en faut, mais c'est une jolie bouffée de nostalgie, moi, que j'aime beaucoup. Il y a des très beaux passages ambiantes. Au premier abord, on a l'impression que c'est un petit peu ça fait penser aux Broderies à Mémé, et puis pas du tout. Quand on y revient, on dit mais en fait ils sont bons ces morceaux, et puis on y revient encore. Donc je vous conseille de faire de même. L'album s'appelle You'll Be Safe Forever et c'est les Autrichiens d'édition Mego qui publient cet album de Locust. On enchaîne et on reste dans la musique électronique avec Diamond Version. C'est le duo Karsten Nikolai et Olaf Bender. Alors Karsten Nikolai, c'est Alvan Otto, c'est le patron, on va dire, de Raster Noton, dont on diffuse, si ce n'est toutes les publications, mais en tout cas on en diffuse le plus possible et on est des gros mordus de ce label. Olaf Bender, c'est l'une des signatures de ce label, c'est Bytone. Et Diamond Version, c'est leur espace, on va dire, d'expression plus technoïde, plus peut-être dance floor quand on écoute ça attentivement. C'est vrai qu'il y a un côté assez dance floor affirmé, ça envoie bien. Ça c'est publié par une plus grosse structure encore que Raster Noton, c'est Mute, le label de Depeche Mode et consorts. Mute c'est un monument de la musique contemporaine, on va dire ça comme ça. Pas étonnant qu'ils aient dans leur escarcelle les deux loustiques et leur projet Diamond Version. Ils sortent donc une série de EP. Alors les EP sortent en format physique ou digital, physique donc vinyle, j'entends. Donc il y en a actuellement 4 de publiés et il existe déjà la compile réunissant 5 EP, donc un cinquième sera sans doute publié prochainement en vinyle. Et ils sont tout simplement numérotés de 1 à 5. On va s'écouter un extrait du EP4. Je me suis fait un peu la série là, des 4 premiers. Tout n'est pas génialissime. Ça sonne plus globalement comme Bytone, avec le côté d'ambiance assez électrostatique et puis des rythmiques qui sont hyper entraînantes. Plus que, donc, comme Bytone que comme la musique plus climatique et polissée de Karsten Nikolai Alvan Otto. Il y a des emplois de vocaux, vocodeurs qui rendent le truc bien catchy. Moi j'aime beaucoup. On va s'écouter donc le morceau Live Young, c'est extrait du EP4 de Diamond Version, sorti par Mute. C'est parti. Zero. Thank you. C'est l'électro tiré à quatre épingles de, ouais. de Atom TM, Pop HD. Alors oui, référence sans doute assez évidente à Kraftwerk. Ouais. Grosse évidemment, grosse influence pour Atom TM. Alors Atom TM, alors voilà, on commence à se plonger dans la biographie du garçon et on va y passer trois plombes. C'est Uwe Schmidt. Alors Uwe Schmidt, figure-toi que David, que les même les gens qui sont pas des gros mordus à courir après toutes les références et voilà à courir les magazines, les fanzines à la recherche de qui est qui fait quoi, eh bien voilà, le commun des mortels connaît aussi plus ou moins ce gars-là, puisque à la fin des années 90, il avait signé ses fameuses reprises latino de Kraftwerk sous le nom de Senior Coconut, et tous les, voilà, pas mal de festoches l'avaient programmé, des gros festivals l'avaient programmé, parce que voilà, ça avait cassé la baraque à l'époque. C'est vrai que c'était super sympa, moi je me souviens d'avoir vu mettre le feu je crois que c'était à l'époque aux Libertés, aux Transmusicales. C'était un grand moment. Et voilà, donc c'est Uwe Schmidt, un garçon qui a pas loin d'une cinquantaine de pseudos et de projets à son actif depuis le milieu des années 80. C'est un vieux de la vieille. Hein. Il est allemand ou pas? Il est allemand, voilà, exactement. Son premier projet... faisait le lien, on va dire, entre les musiques expérimentales et l'electronic body music à la Frontline Assembly ou autre Front de K2. Ça s'appelait Lassige Benthaus. Et puis, dans le début des années 90, on commençait à fleurir sous une palanquée de pseudos, parce que c'était évidemment, et ça reste encore la mode, hein, de brouiller les pistes avec les white labels et les pseudos à la mort moelle-neu. On en retiendra quelques-uns, dont Atom Heart, qui fait référence, une de ses autres influences, évidemment, Atom Heart Mother, l'album de Pink Floyd. Atom Chinzo, qui était un espèce de concurrent assez rude à l'époque au disque électro-indus, électro-hardcore d'Aphex Twin, début des années 90. Flexstone, Geese and Gush, Lassige Benthaus, j'en ai parlé. Lisa Carbon Tree, qui avait aussi eu son petit succès dans les milieux un petit peu arty parisien et compagnie, sorti à l'époque chez Reflex, le label d'Aphex Twin justement. Le fameux Senior Coconut, on en a parlé. Urban Primitivism, Lisa Carbon, et j'en passe. Bon, bref, on s'y perdrait, y en a plein d'autres. Brouilleur de pistes, un gars qui a voulu prendre du recul aussi par rapport à la scène électronique européenne, puisque ça fait presque une vingtaine d'années qu'il vit au Chili. D'où et peut-être sans doute aussi le fait qu'il en soit à un moment donné revenu avec ce projet latino de reprise des rois de l'électropop que sont les Kraftwerk. Bref, revenons à l'actualité de Uwe Schmidt et de ce qui est actuellement son projet principal, Atom TM. Donc on retrouve toujours Atom Heart derrière, voilà, l'influence de Pink Floyd et de Kraftwerk mêlée avec cet album HD dont on vient de s'écouter le morceau introductif, Pop HD. C'est un album hyper groovy, hyper agréable à écouter, plein de blips, de samples, de funk. C'est très référencé, il n'hésite pas à sampler Michael Jackson, mais pour emmener ça complètement ailleurs. C'est très stylé, c'est très classieux. Mais ça se prive pas non plus de quelques petites références un petit peu, on va dire, militante, avec ou des pics envoyés à MTV avec le MTV Radio Star ou le Stop Imperialist Pop plus loin. C'est des titres de morceaux. Voilà, une reprise des Who aussi, version électro-blippée avec le fameux My Generation. Voilà, c'est vraiment un super bon disque. Ah, écoutez. C'est un de ses travaux les plus guinchants et les plus enthousiasmants de ces derniers temps. Enfin, je peux pas prétendre avoir tout suivi ce qu'il a fait récemment. Je vous renvoie quand même à deux autres albums qu'il a pu publier ces derniers temps, et on terminera là-dessus avec Atom TM. C'est le Winter Riser, qui était une sorte de bande-son d'une expo photo qu'il a pu... qu'il a conduit. Alors, je sais pas où elle a pu être présentée, c'est en tout cas, évidemment, nous on est passé à côté. Winter Riser, donc plus ambiante, avec voilà un thème qui est décliné tout en scintillement, silence, horlogerie de précision, etc. C'est sorti comme HD sur Raster Noton, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et puis le Cold Memories qui est sorti par Sako. Sako, c'est le label finlandais de Mika Vanio qu'on connaît, dont on a parlé passé. Souvent, voilà, oui. Avec son projet phare Panasonic et puis plein d'autres. Voilà. On est entre deux bonnes mains avec ces gens-là, et en tout cas, voilà, y a trois albums là en quelques temps, un qui guinche plutôt, puis deux autres plutôt dans des ambiances plus climatiques, plus à s'écouter dans le canap, pour Uwe Schmidt et Atom TM. Rien à voir, du hip-hop maintenant. Avec un familier de l'émission, je me demande si c'est pas une émission sur deux presque où on en parle, c'est Apollo Brown. Ah. Apollo Brown, voilà, c'est vraiment le cador en matière de production hip-hop en ce moment. Le hip-hop qui a remis Détroit sur la carte des villes qui comptent. Et c'est son nouveau projet. Alors c'est vrai qu'il enchaîne les Ace hein, à tel point qu'on n'arrive même pas à le suivre. Nous, je crois qu'on a laissé passer, je crois qu'on n'a même pas eu le temps de diffuser son album de réinterprétation du 12 Reasons to Die de Ghostface Killah, le New Yorkais, un excellent disque qui est paru en doublon du disque du New Yorkais, une réinterprétation complète de l'album. Je crois qu'on n'a pas eu le temps de diffuser ça. Et déjà, voici son nouveau projet en trio avec deux rappeurs, Verbal Kent et Red Pill, c'est Ugly Heroes. Ugly Heroes, ils le définissent comme un ugly hero, c'est ce héros du quotidien. Hein, ouais. On traduirait ça comme ça en français tout bonnement. C'est les gens dont on ne parle pas mais qui font tourner le monde. Hein, eux se définissent un peu comme ça. En tout cas, ils nous font danser, ils nous font groover. Et l'album, c'est un sans faute, 15 titres, rien acheté. On va s'en écouter un extrait, ça s'appelle God's Day Off. Pour le moment, c'est sorti uniquement en CD. Ça doit être son label habituel, là, Mellow Music Group, qui sort ça. Peut-être on espère une édition vinyle, un de ces quatre. En tout cas, on en raffole. C'est Apollo Brown et son projet Ugly Heroes dans le secret du son là-bas. The other day I was enjoying a moment of prayer and meditation and I thought, does God work all the time? No! Looking for some vindication, a little bit of validation. Looking for some vindication. Yeah, we learn to walk like a god does. Cause even God has his off days. Cause when you take a moment, stop building, start feeling, you might get caught up in that crossfade. It's somewhere in between the ear, a place where we believe in fear, saying shit that we don't need to hear. I think I'll leave that beer sitting at this bar so the tender doesn't count. Never ended the amount that I spent on the cost. Pennies for your thoughts. Now let me take a walk up through that childhood, living in those wild woods. Started thinking, why would I ever be so clever on that mic if the vibe's good? I wrote a whole lot of rhymes, most of them mediocre. Some will claim they're divine. I'm just trying to stay sober. Now if I can find that mind to ever find closure, maybe then I could really see what's going on. Cause even God has his off days. Even God took a day off. So I'll be stressing out in spite of this past and this vice. Sick of stretching out this life. Cause even God has his off days. Yes, even he took a day off. So I'll be stressing out in spite of this past and this vice. Sick of stretching out this life. Yeah, so what do you think he thinks when he's looking in that mirror and he's still afraid to blink? Believing if that even if he doesn't see himself, that the fact will still remain that he probably needs some help. Sick of drowning in the pity, sick of looking at this city, sick of knowing fucking with me. I'm sick of fucking rap, and I don't need to ask if she's growing tired too. What the fuck would make it different? I don't need that point of view. Pennies for my songs, nobody sings along. I sit alone at home, so I know the drinks are strong. Don't know why I bother, got it from my father. Procrastination, willpower, can't save a dollar. Got an alma mater, don't know why it matters. They say you did it proper, I'm still a broke rapper. Blue collar scholar, by now you know the laughter. And I don't think they really know what's going on. Cause even God has his off days. Even God took a day off. So I'll be stressing out in spite of this past and this vice. Sick of stretching out this life. Cause even God has his off days. Yes, even he took a day off. whole life waiting for his worst fear to come true. His family waited for him to undo. Undone he came. Luckily his soulmate stayed sane. Saw him as he plunged to his grave. Tried to hold his hand on his cliff toward darkness. Saw a grip weak and started yelling out his name. His kin can only watch his stock fall. One of them was by his side, other tuned in from afar. The latter made sure he'd never be like this. To the point he kept his distance, couldn't see him like this. Swore he'd never live a life of regret. Never set himself up to fail. He would die trying. After visits he would lie crying. If only dad would have given himself a fighting chance, he'd be high flying. It's never too late, these verses are done. Every son waits and learns from what his father's become. Cause even God has his off days. Even God took a day off. So I'll be stressing out in spite of this past and this vice. Sick of stretching out this life. Cause even God has his off days. Yes, even he took a day off. So I'll be stressing out in spite of this past and this vice. Sick of stretching out this life. Dad, it's me, I'm Tyler, I think I be your son, sorry, I called you the wrong name, see, my brain's splitting, dad isn't your name, see, faggot's a little more fitting, mama's only 20 when you ain't have any fucks to spare, you Nigerian fuck, now I'm stuck with this shitty facial hair, also stuck with a beautiful home with a case of stairs, see you not being there, fucking fire started my damn career, but fuck it, I got Clancy Heat. Gave me the chance to see a world I wasn't supposed to. I'm stoked that I didn't know you, but sucks you ain't give a fuck and considered a sperm donor now. Fuck is in a coma. I'm changing my shit to Haley and I just ain't being passive, nigga. You a fucking faggot, nigga. Got a show on Monday. Guess you ain't getting no passes, nigga. But if I ever had the chance to ask this nigga and call him, I hope he answers. Suck my fucking dick and swallow this case of nuts. Ace, hate your guts, I'm a selfish fuck. And I ain't sharing green as if I'm facing blunts. Frank is out the closet, Hodge is an alcoholic. Sid might be bipolar, but fuck it, I couldn't call it. Supposed to be gone to November, but quickly came back in August. I left 2 months through September to clearly remember August. I would like to tell my grandma, but she just nostalgia. I'll call her number, but she won't answer. You claim to hate my fucking guts, but say I'm on an island in Thailand and I was wildin'. And if I got stranded, had to man up and hold my nuts and hope that I could live off salt water and fucking coconuts. Phone ain't got no services, 3G is fucking worthless. Day is getting dark like the area's turning urban. You'll be fucking nervous like me inside of a church's, but I'ma get in contact regardless and I hope you answer. Last verse was about this girl. Eh bien, je crois bien que c'est la première fois qu'on diffuse Tyler, the Creator, dans le secret du son d'Abba. C'est vrai que c'est archi réputé chez les hipsters et les gens qui... En France, chez les hipsters, on va dire les gens qui savent, tu vois, qui sont informés, les urbains. Et puis effectivement, aux States, alors là, je crois que les deux albums sont entrés dans le top 5 du Billboard, l'un et l'autre. Donc autant dire que c'est un garçon bien connu. Mais alors pourquoi on le diffuse ? Tout simplement parce que autant j'étais encore un peu circonspect sur son premier album Goblin. Ouais. Je trouvais que c'était un peu longuet, j'aimais pas tous les morceaux. Il y a effectivement quelque chose qui est hyper particulier. En prenant des pincettes, que ça renouvelle quand même un petit peu le genre hip-hop, c'est assez singulier. Et là, ce deuxième album, je trouve qu'il est vraiment tout à fait excellent, même s'il reste un petit peu comme le premier, assez longuet, et ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des albums avec plus de 15 morceaux, et à un moment donné, effectivement, on n'a pas forcément envie d'aller jusqu'au bout. Lasse un peu, ouais. Ouais. Néanmoins, vraiment, ce Wolf sorti par Hot Future. Alors, Hot Future, c'est son crew. Ce Wolf, il est vraiment très très bon. Donc Hot Future, c'est son crew. C'est Tyler, c'est OG Beat, c'est Earl Sweatshirt, que d'ailleurs les gaziers de Lonely Walk ont diffusé dans une précédente émission. Ils sont bien fans aussi. Alors voilà, ça fait un peu le lien avec... avec la précédente émission, puisque voilà, les gaziers de Lonely Walk sont aussi des gros fans de Hot Future. Voilà, donc c'est ce crew de Los Angeles dont fait partie le jeune Tyler, parce qu'il a pas 25 ans, ce garçon. Il a une voix qu'on dirait déjà marquée par l'existence et peut-être aussi par autre chose. Mais en tout cas, c'est un garçon qui est pour le moins perturbé, et je dirais ses lyrics, son rap, on le ressent. C'est assez hanté par les démons, les rythmiques font souvent penser à des rafales d'Uzi, tu vois, de pistolet automatique comme ça. Il y a des mélodies synthétiques assez naïves, mais qui jouent à moitié faux, c'est pas net, quoi. C'est vraiment pas net, c'est du rap qui est franchement pas net, et qui est d'autant plus perturbant, qui a ses voix féminines assez langoureuses, ses featuring R&B. Il y a notamment un des garçons... maintenant qui compte aujourd'hui dans le R&B US, c'est Frank Ocean qui fait un ou deux featuring. C'est aussi un garçon qui vient de la bande Hot Future. Le Frank Ocean, là, il est en train de devenir aussi gros que Pharrell Williams ou d'autres dans le R&B contemporain. Donc voilà, c'est des gens qui sont déjà presque qui sont en haut de l'affiche, on va le dire, mais qui sont encore assez méconnus en France. Ouais. Et en tout cas, nous, on aime beaucoup ce qu'ils font. Ça nous cause. Ouais, clairement, ouais. On reste dans le hip-hop, mais on traverse l'Atlantique, on va au Royaume-Uni, avec le deuxième album du londonien Ghost Poet. Ghost Poet, on avait beaucoup aimé son premier disque en 2011, Peanut Butter Blues and Melancholy Jam. Et là, c'est Some I Say So, I Say Light. C'est sorti par Played Against Sam, qui est un gros gros indé, comme chacun sait. C'est sorti tout début mai 2013. On est quand même bien dans l'actu là pour le coup. C'est un album dont je me suis pas encore entièrement approprié. Il y a vraiment des super bons morceaux, mais il y a aussi des côtés assez maniérés, moi, qui m'agacent un petit peu, notamment dans son phrasé, on va dire ça comme ça. En tout cas, encore un qui n'a déjà, si jamais il avait eu besoin de nous, en tout cas ça fait longtemps qu'il n'en a plus besoin, puisque il accumule déjà les chroniques plutôt dithyrambiques, que ce soit chez les Inrock, chez Mono en Angleterre, du côté du Guardian. Donc bon, ça c'est réglé pour lui, ça roule, toute la presse qui compte est déjà à son chevet. Et maintenant le secret du son d'Abba. On vient confirmer en fait l'intérêt qu'il faut porter à Ghost Poet. Tu vois, on est la caution un peu validé par le secret. On va s'écouter un morceau très très massive attaquien. Ça s'appelle Meltdown, et je dois dire que je l'ai je l'ai vraiment écouté en boucle il n'y a pas si longtemps, là, au bout d'un moment. Meltdown. Ouais, Meltdown. Ouais. D'accord. Ouais, c'est... Tout à fait. Bien que ce soit assez, assez langoureux, effectivement, pourquoi ça ne déboucherait pas sur des choses peut-être plus tendancieuses, mais ceci ne nous regarde pas. Ghost Poet dans le secret du son d'abat. Disappoint and tear apart. my heart. This time I gotta follow it. This time I gotta follow it. This time I gotta follow it. This time I gotta follow it. This time I gotta follow it. Increvable, wow. Ouais, waouh, comme tu dis, David. Increvable, Blixa Bargeld, toujours dans la place et toujours essentiel et toujours magnifique et qui chante de plus en plus juste. Je suis en train de me faire cette réflexion-là. C'était pas son propos à la fin des années 70, début des années 80, quand il a lancé Ein Sturz in den Neubauten. C'était déjà plus son propos au milieu des années 2000, à la fois quand il conduisait. En parallèle à Ein Sturz in den Neubauten et qu'il le conduisait aux côtés de Nick Cave, les fameux Bad Seeds, qu'il a quitté au début des années. Au milieu des années 90, voilà. Ouais. Et qu'il a quitté au début des années 2000, je vais y arriver. Les connaisseurs, de toute façon, ne m'en voudront pas. Ils connaissent tout ça par cœur. Le voici donc aux côtés de. Prêtant sa voix donc à Théo Teardo, on en a déjà parlé, c'est un Italien qu'on avait évoqué parce que pour sa participation à une jolie compile française, la Fête in the West Season du label Voxov, on en a parlé dans une précédente émission en début de printemps, fin hiver 2013. Théo Teardo, c'est un musicien aussi qui compte depuis pas mal d'années, peut-être un peu dans l'ombre de pas mal d'autres, mais un collaborateur de nombre de musiciens qui comptent, que ce soit Mick Harris au Royaume-Uni ou les gens de Cop Shoot Cop ou Lydia Lunch, pour ne parler que d'eux, du côté de New York. C'est quelqu'un aussi qui, au-delà des projets expérimentaux, électroniques et autres, a développé un savoir-faire, on va dire, plus orchestral, orchestré, voilà, qu'on reconnaît ici. Enfin, c'est assez magnifique, et c'est tout l'album est de ce calibre. Il l'a développé notamment dans son travail pour bon nombre de musiques de films, plutôt pour le cinéma italien. Alors, il y a des compiles, je vous encourage à fouiller sa discographie, aller à la recherche des compiles Théo Teardo. Voilà, et qui des compiles qui collectionnent comme ça des travaux qu'il a pu réaliser pour des bandes originales. Voici donc son album sur son propre label Specula. C'est l'album Still Smiling, entièrement conçu aux côtés de Blixa Bargeld. Alors ici, là, on s'est vraiment écouté quelque chose d'assez romance, façon style ancien, un peu noir et blanc. On se croirait presque chez les crooners américains. Mais il y a d'autres choses plus qui vous chopent aux tripes, avec du minimalisme à base de violoncelle, vraiment à vous secouer les tripes et les synapses. Il y a des très belles choses orchestrées avec le Balanescu Quartet qui est de la partie sur plusieurs morceaux. Alors là, du coup, on plonge carrément dans l'ambiance à la Michael Nyman. Les connaisseurs s'en régaleront. Voilà, c'est un album que j'adore déjà et que je n'ai pourtant pas fini de découvrir. Donc c'est Still Smiling, sorti en double vinyle, CD et compagnie sur Specula. C'est Théo Teardo et Blixa Bargeld dans le secret du son là-bas. Vraiment très beau, très très beau. Alors on va sortir... changement d'ambiance. On va sortir la fonte. On va commencer à faire un peu de muscu en Charles David. à la galloise, façon sidérurgique, avec là aussi les inusables, 20 ans déjà, je crois qu'ils viennent de fêter leur 20e anniversaire, 20 ans d'existence des Somatic Responses, les frangins Ellie, qui eux aussi, à l'instar de Bargeld, pourquoi pas, Alvano Tour, on en parlait tout à l'heure, ou... de Apollo Brown font partie des ils ont quasiment leur drap et leur couette chez nous au secret ils sont quand même très souvent là, très voilà. Souvent, ils ont la brosse à dents dans le petit pot dans la salle de bain les Gallois avec deux EP qui sortent coup sur coup. Là on va s'écouter l'extrait de Reverse Engineering, mais est sorti en parallèle le EP qui s'appelle Je ne peux t'aider. On était censé former un duo là. I Remember Techno, tu vois. Voilà. L'un est sorti sur un label dont j'ai oublié le nom, l'autre est sorti par leur propre label Photon Émission. On va s'écouter en tout cas un extrait de Reverse Engineering, ça s'appelle New Flesh Metal Skin. Je crois qu'on a suffisamment parlé des somatiques depuis tous ces mois et toutes ces années qu'on fait le secret pour ne pas en rajouter. On s'écoute ça. Écoutons ça. Alors c'est un peu une gageure de passer Abturer derrière, derrière finalement ses parrains que sont les frères Ellie, John et Paul Ellie de Somatic Responses. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que le son est moins impressionnant, hein, plus sourd, ouais, un peu plus plat aussi. Ouais, c'est ça, c'est la sensation que j'ai un petit peu, ouais. Après, ouais. Somatic, là, où ça bastonne dans tous les sens, c'est un peu plat, quoi. Ouais, ouais. Même si tu sens un truc derrière, mais c'est plat, un peu mais plat. Prometteur, ouais, c'est ouais, quand ouais. même... bon, c'est un garçon qui a dans nos âges, hein, il a goûté aux joies de la... C'est-à-dire 22-23 ans, c'est quoi. C'est ça, ouais, il a ouais. goûté aux joies de la musique électro-sidérurgique. Au milieu des années 90 dans les fêtes Praxis à l'époque à Londres. C'est aussi je crois un gallois, c'est en tout cas un ami des Somatiques et c'est pour ça qu'ils le sortent sur leur label Photon Émission. C'est donc la première sortie la première sortie en dehors de leur propre réalisation pour Photon Émission. Donc c'est Abturer avec Subtractive Warfare, le nom de l'album, un album 10 titres qui fait penser à plus qu'à Somatic, à des gens comme Element Abuse, Helicopter Face, qui sont tous les deux des Écossais éminents en Belgique, Dementia ou Resurrector aux États-Unis. Voilà, une scène dont on parle très très régulièrement. C'est assez bien quadrillé. On ne sait même plus quels adjectifs utiliser tellement on les a tous usés. Et pourtant, on aime encore cette musique, donc on la diffuse, on la défend. On n'est pas nombreux à le faire. Prometteur, le petit gars. Mais... Prometteur, ouais. C'est son première sortie première... Alors, curieusement, il semblerait que ce soit son premier véritable album sous son propre nom, Pacha Abturer. Il avait un groupe qui s'appelait Ésotérique au début des années 90, apparemment, autour de 93-95. Et moi, j'ai pas du tout mis le nez ni les oreilles là-dedans à l'époque. Il semblerait qu'il ait aussi un groupe hip-hop en ce moment sur lequel il travaille avec c'est un collectif de 8 à 10 personnes qui s'appelle Fresh Old. On essaiera d'en savoir plus. En tout cas, il est dans le son, il trifouille ses machines et c'est tout ce qu'on lui souhaite. On lui souhaite bon courage et on espère en réentendre parler très bientôt. Très prochainement. Ouais. On va se faire un peu de rock parce que les gens se disent mais Krikoula revient, ils sont venus ils ne diffusent plus que de l'électro-indus quand t'as deux tournées. Et non, on n'oublie pas le bon vieux rock and roll avec un extrait du split 45 tours entre deux groupes qui comptent en ce moment pour les fans de noise rock. C'est Buildings et Oaks. Buildings donc de Minneapolis, Oaks d'Atlanta. Alors c'est hyper difficile de choisir. On aurait bien aimé passer tout le EP, deux morceaux chacun sur de part et d'autre quoi, sur chaque face. Ouais. Ça bastonne à gogo. C'est unseignant. Ça sent le fiel, ça hurle dans tous les sens, ça mouline, c'est bien produit, c'est musclé, c'est très représentatif de ce que ces deux groupes donnent sur scène. On sait que leurs concerts sont vraiment des gros moments de défouloir. Enfin, moi j'ai eu l'occasion de voir Building, j'ai pas eu la chance de voir Hawks lors de leur tournée de septembre dernier, mais je compte bien me rattraper prochainement. Voilà, en tout cas, je vous recommande ce 7 pouces sorti à 500 exemplaires sur un label dont j'ai oublié le nom, mais dont vous trouverez les références super facilement. On s'écoute donc le morceau LPGA de Buildings dans Le Secret du Son là-bas. basse et guitare à la Envy. Miam miam. Miam miam, voilà. les amoureux de l'Emocore d'Envy, s'y seront retrouvés, voilà, auront retrouvé des éléments qui les touchent, j'imagine, à l'écoute de ce Sunbather, extrait de l'album du même nom, de Death Heaven, le combo de San Francisco. Donc deuxième album pour ce groupe qu'on l'aura compris, je crois que c'est assez... assez parlant, je crois que le mélange est criant. D'un côté, l'emocore, larmoyant et incisif d'Envy, de l'autre, le black metal de Wolves in the Throne Room ou Liturgie ou d'autres. Au milieu, le post-rock à la Mono, encore des japonais, ou Mogwai ouais. qu'ils avaient repris sur un EP qu'on s'était écouté il y a quelques mois de cela, que Grégoula nous avait présenté. Voilà, donc c'est Death Heaven, un mélange étonnant et qui fonctionne. De black, de post-rock, de démo hardcore, quelques longueurs par-ci par-là, quelques branlettes de manches, moi qui me donne envie de passer mon chemin à droite à gauche dans ces morceaux à tiroir et à rallonge, mais grosso modo ça fonctionne encore bien. Mieux quand on a un petit coup dans le nez et la larme facile. On va, à propos de larmes faciles, on va terminer avec un très très très beau disque. Je mettrais beaucoup de traits si je le pouvais à ce Plain Where the Palace Stood. C'est le nouvel album de David Grubb. Ouais. David Grubbs, pardon. Grubbs. On n'a pas forcément eu l'occasion d'écouter David Grubbs dans le secret, ou en tout cas, ça fait bien longtemps. Ça faisait aussi un bout de temps, moi, que j'avais pas forcément jeté une oreille à ses travaux, alors que pourtant il m'a rarement déçu. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc ou plusieurs cordes à sa guitare, puisqu'il joue tout aussi bien des choses assez expérimentales aux côtés de gens comme Mats Gustafsson ou Loren Mazan Connor, des choses qui vont laisser les amoureux de mélodie sur le bas-côté. Et puis il a aussi ce savoir-faire de songwriter qu'on lui connaît bien et qu'on aime tant. C'est plus peut-être comme ça que moi je l'apprécie, à l'image des albums que j'avais adoré à l'époque, à la fin des années 90, de Ticket ou de Coxcomb par exemple, ou au début des années 2000, Ricketts and Scurvy. Voilà, en tout cas, il me revient dans les oreilles. J'ose pas prétendre qu'il avait disparu avec The Plain Where the Palace Stood. C'est sorti par Drag City, comme beaucoup de ses disques. On y retrouve son savoir-faire mélodieux, sa mélancolie, sa monotonie et en même temps, c'est son écriture hors pair qui donne envie de mettre à la poubelle énormément de pop de seconde zone dont on nous rabat les oreilles à longueur de magazine, mais je n'en dirai pas plus et je ne citerai pas de nom. On va simplement positiver en écoutant David Grubbs avec un extrait de ce nouvel album, Ornamental Hermit. Et on va se quitter là-dessus, mon cher David, et on se dit à très bientôt. Bonne nuit, bonne journée. Bonne journée. Et à très bientôt. Ciao, ciao. trammel, seemingly enameled, lacquered, literally knackered, buried. Gilded this.